Le pied de la croix, les douleurs de Marie par le révérend père Frédéric William Faber. Chapitre 8. Suite. Septième douleur. La sépulture de Jésus. Sur les limites de cette septième douleur, se trouvent d'autres particularités moins importantes, que nous ne devons pas pourtant négliger de remarquer. Nous avons vu que, dans la sixième, la solitude de Marie n'avait pas encore atteint la désolation, parce que la Sainte Vierge avait encore la compagnie du corps. Mais cette solitude devint de la désolation lorsque la grosse pierre eut été roulée à l'entrée du sépulcre et que Marie sortit du jardin de la sépulture de Jésus. C'est là un moment que nous avons tous bien connu au jour de notre deuil. Tout n'était pas fini après la mort. Nous parlions de la forme inanimée, comme si le corps était en réalité la personne même que nous aimions. La maison, sombre et silencieuse, n'était cependant pas absolument déserte, le cher défunt y tenait lieu de tout. Meubles, vie, à très mystérieux, rien n'y manquait, nous nous trouvions chez nous, et non plus dans une demeure ordinaire, mais presque dans un sanctuaire. C'est que, ce cadavre, c'était pour nous une si grande compagnie, il y avait tant d'éloquence dans sa pâleur, dans ses traits, il n'était plus question de souffrance, ni des ravages du mal, ni du danger de la peste, mais tout nous parlait des anciens jours, des simples années de l'enfance. Nous évoquions les regards passés, les expressions presque oubliées, les agréments de l'innocente jeunesse, et tout cela se faisait jour à travers la mort comme les perce-neiges au-dessus de la gelée. Ses yeux clos avaient pour nous un regard. Ses mains traversées de veines bleues avaient un langage. Quel moment funèbre que celui où se ferma le cercueil. Et cependant le charme n'était pas encore rompu. Le moment de la désolation ne vint pas même lorsque les spirales bleues de l'encens s'enroulèrent en se mêlant aux vapeurs de la fosse, ni lorsque les mottes de terre tombèrent sur le couvercle du cercueil avec un son creux, effrayant écho de l'éternité. Mais ce moment arriva quand l'affligé posa de nouveau le pied sur le seuil de sa porte, après avoir laissé derrière lui dans la tombe le compagnon ou la compagne de sa vie, ou l'enfant de ses espérances, ou la mère de son enfance. Alors la maison fut réellement vide, et le cœur de l'affligé se trouva également vide et désolé. Si, tout en admettant qu'il existe une disparité immense entre eux et nous, nous substituons Marie à notre place et Jésus à celle de celui que nous pleurons. Nous reconnaîtrons que la douleur de Marie était semblable à celle que nous venons de décrire, lorsqu'elle s'éloigna du tombeau du jardin. Cela est à la portée de notre intelligence, et les jours sombres de notre passé témoignent de la réalité de cette douleur. Il y a dans la septième douleur une autre particularité qu'elle partage avec la sixième, et dont nous avons déjà parlé, c'est que, dans la première de ces deux douleurs, Marie était entourée par des images de la sainte enfance. Ces images étaient une double source d'affliction, à la fois par leur contraste et par leur similitude. La réclusion de Jésus dans le tombeau était pour Marie une image des 9 mois que notre Seigneur avait passé dans son sein béni. Mais elle avait elle-même porté Jésus sur les collines de la Judée, avec une joie vive, tandis que dans son âme chaque pensée était un magnificat. Joseph d'Arimathie lui rappelait celui que le Père éternel avait choisi parmi tous les hommes pour être le Père nourricier de Jésus. Mais le premier Joseph était allé s'endormir paisiblement, reposant sa tête sur le sein de Jésus, tandis que la présence de Joseph d'Arimathie faisait contraste avec la tristesse pleine de douceur de cet ancien mystère. Lorsqu'elle vit déposer Jésus dans la tombe et qu'elle disposa le linceul, Marie se souvint du berceau de la crèche, dans lequel elle l'avait déposé à Bethléem. Mais entre le berceau et la tombe, il y avait tout le vaste intervalle qui s'étend entre l'épaule de la dévotion chrétienne, Noël et la Passion. Ces deux mystères se ressemblent, et cependant combien ne sont-ils pas différents? Maintenant l'impuissance de Jésus était plus grande qu'elle ne l'était à Bethléem. Ce qui était alors la plus aimable obéissance, était maintenant roideur et passiveté. Alors le silence de Jésus était volontaire, il l'est encore maintenant, mais avec une volonté de différente nature. Il remarquait alors sa mère, il ne la remarque pas maintenant. Quand il dormait comme un petit enfant et que ses yeux étaient clos, elle savait que, pendant tout ce temps, il pensait, aimait et adorait, et son sommeil était en lui-même une beauté charmante. Mais alors le cœur de Jésus était froid et inanimé, toujours adorable à cause de son union avec Dieu, mais ne battant plus d'amour à sa présence. Depuis la mort, une union étrange s'était opérée entre Jésus et sa mère. Marie, agenouillée avec le corps de son fils étendu sur ses bras, formait avec lui la figure d'un seul crucifix, et ce n'était plus Jésus qui était tout à fait crucifié, ni tout à fait Marie, mais une seule victime de Dieu formée de deux vies. C'est là une image pleine de lumière divine et que nous ne devons pas oublier, dussions-nous bientôt perdre pied dans les eaux profondes de cette théologie d'amour. Cependant la passion était là aussi bien que l'enfance. Elle se rencontrait sur ce terrain. Ce corps glacé sur lequel se croisaient en tous sens des lignes d'un rouge ou d'un bleu livide, ne rappelait guère Bethléem. La passion tout entière était laborieusement écrite sur les membres de Jésus, maintenant même dans le ciel elle brille d'un éclair immense sur ses mains, ses pieds et son côté. Ces instruments de la passion aussi, ces précieuses reliques qui sont déposées dans la tombe, ne parlent ni de Bethléem ni de Nazareth, mais de Jérusalem et du Calvaire, du prétoire et du Golgotha. D'autres personnes la remplacent pour toucher, remuer et porter Jésus, ce trait pénible de la passion, qui dans la quatrième douleur avait fait une blessure si profonde dans son âme, se renouvelle dans la sixième et dans la septième. C'est là une sorte de signe de la présence de la passion. Mais les signes étaient à peine nécessaires, et, s'ils étaient présents, n'était que peu perceptible dans un mystère, qui exhalait le parfum amer de la passion dans tous ses points et dans chacun de ses moindres incidents. Dans la sainte enfance, il n'y avait personne dont Marie dût soutenir le poids, malgré sa fatigue ou sa faiblesse, car elle et Joseph s'appuyaient tous deux sur Jésus, et le repos, la paix, la joie sont le bien permanent de ceux qui s'appuient sur lui. Mais, à la passion, Marie avait apporté l'Église dans son cœur. Quand Jésus mourut, Pierre appuya sur Marie sa foi repentante et son amour. Par son courage plein de douceur, elle soutint à la fois Jean et Madeleine. Joseph et Nicodème auraient à peine eu la force de détacher le corps de la croix, si Marie n'eût été présente pour leur communiquer son tendre courage. Cependant cet appui que Marie donnait aux autres faisait souffrir son cœur, et était en soi-même une nouvelle affliction qui multipliait le nombre des cœurs aimés dans lesquels elle avait à souffrir, tandis que c'était aussi une tension douloureuse pour le sien. La passion atteignit à son plus haut point en Marie, non quand l'âme de Jésus pénétra la verte colline au pied de la croix, mais pendant le moment final passé au tombeau. Ici encore le mystère des trois jours d'absence, ce mystère à part, trouve quelque chose qui lui ressemble. L'essence de l'affliction est la même dans les deux cas, c'est l'absence de Jésus. Le temps que dure cette absence est mystérieusement le même. L'action humaine et les causes secondaires y demeurent également étrangères. Les occupations de Jésus absent ne diffèrent pas dans les deux cas. Dans le premier, il éclairait les docteurs de sa nation. Dans le second, il répandait la lumière béatifique dans les limbes des patriarches, des anciens docteurs de son peuple. Il y avait un Joseph pour s'affliger avec Marie, au tombeau, comme il y avait eu un Joseph pour s'affliger avec elle dans le temple, et les deux Joseph avaient été choisis par Dieu lui-même. La nature de la souffrance était la même dans les deux cas, parce qu'elle tenait d'un abandonnement divin. Comme autrefois, la désolation était encore maintenant la forme de l'affliction. La première et la seconde fois, Marie avait perdu Jésus au même endroit, juste en dehors des portes de Jérusalem. On ne peut guère douter que les 3 jours d'absence n'aient été une figure prophétique de la séparation présente, mais il y avait une exception remarquable dans toutes ces similitudes. Dans la 7e douleur, les ténèbres tenaient de l'impossibilité de la consolation. Dans la 3e douleur, l'obscurité était une ignorance surnaturelle résultant d'un décret mystérieux. Ici Marie savait tout, elle avait contemplé la passion jusqu'à sa fin avec une héroïque fidélité. Elle avait elle-même embaumé le corps de Jésus. Elle avait aidé à le placer dans le tombeau, elle savait où il était, et comment il avait été perdu, et elle avait connaissance de la résurrection qui devait avoir lieu le jour de Pâques au matin. Mais comme, dans les voies de Dieu, un abîme en appelle un autre, de même la 3e douleur appelle la 7e, et les échos répondent. Les voies de ces 2 douleurs s'accordent pour nous dire qu'il y a des abîmes que nous ne pouvons sonder, et qu'au-delà des profondeurs où nous pouvons nous perdre, il s'en trouve de plus profondes encore que nous ne soupçonnons pas. Mais la 7e douleur a une prérogative qui lui est propre. L'union hypostatique était depuis longtemps pour Marie un objet de délicieuse contemplation, de même que c'était l'œuvre de Dieu dans laquelle la science ravie des anges désirait le plus vivement pénétrer. L'union du corps de notre Seigneur avec son âme, et l'union du corps et de l'âme avec sa personne divine, comme Verbe éternel et seconde personne de la très sainte Trinité, était pour Marie le symbole de toutes les unions, le monument de l'immutabilité dans les œuvres créées et sujettes au changement. De même que le mystère de la Sainte Trinité lui-même, cette union lui paraissait ressembler à cette triple corde dont l'Écriture dit avec une modération pleine de sens, qu'elle n'est pas aisément rompue. Il s'y trouvait maintenant quelque chose comme une rupture, et la seule pensée d'une telle chose est trop terrible pour qu'on puisse l'exprimer par des paroles. Ce dont le Verbe s'est revêtu une fois, il ne s'en est jamais dépouillé. Il était de toute impossibilité que l'union hypostatique fût rompue. Le corps, l'âme, le sang, qui étaient sur la croix, sur le pavé, sur les chaussures des hommes et sur les vêtements de Marie, étaient tous, en attendant la résurrection, unis à la personne du Verbe éternel, et d'une manière égale, quoiqu'ils fussent séparés. Mais la chair et le sang étaient désunis, tous les deux adorables, mais séparés. Le sang précieux et divin était répandu dans toutes les directions, dans des lieux où on eût le moins soupçonné qu'il pût se trouver, dans les mélanges les plus dégradants, dans la confusion la plus compliquée et la plus inextricable. Comme s'il n'était pas dans la nature de ce sang généreux et prodigue, destiné à sauver le monde, d'être renfermé dans un seul lieu, ni de rester inactif dans un tombeau. Sa couleur était une voie, Cette pourpre muette devait prêcher d'une manière touchante partout où elle se trouverait semée. Mais cette séparation de la chair et du sang était une brèche terrible à cette union céleste. Cependant, plus épouvantable encore était la séparation du corps et de l'âme, ce vieux mystère de terreur que Dieu avait d'abord inventé comme un châtiment pour le péché. Maintenant, ce qu'il y avait de plus effroyable, c'est que cette séparation avait également lieu comme châtiment du péché. Dans les premiers moments de l'incarnation, il n'y avait pas eu de succession. L'âme n'avait pas précédé le corps d'un seul instant, le corps n'existait pas avant l'âme, et ni l'un ni l'autre n'avait précédé la divinité. Mais l'union qui avait été effectuée dans le sein de Marie était rompue dans le tombeau, et Marie avait coopéré à l'un et à l'autre mystère. L'agonie que cette effroyable séparation causa dans le cœur immaculé, doit avoir ressemblé au brisement même qui causa cette séparation, et c'est là une de ces choses à part, dont Dieu a voulu faire des mystères sans égaux dans son vaste univers. Ainsi, cette septième douleur était une sorte de centre, de port, vers lequel convergeaient toutes les lignes variées des 33 années, Bethléem et le Calvaire, Nazareth et Jérusalem, l'enfance, la passion et le ministère, y étaient tous représentés. La possibilité de la douleur était épuisée. Le dernier glaive de Siméon était plongé dans le cœur de la mère. Si nul ne peut dire quelle affliction elle supporta, de même nul ne put dire à quelle sainteté elle atteignit. La rage du péché de l'homme et la pression de la justice divine avaient séparé le corps et l'âme de Jésus. Toutes deux combinées ne pouvaient faire plus, et ainsi la passion se termina. Les maux de Marie ont été en croissant, variés dans leur cruauté, inventifs dans leurs tortures impitoyables, et pour Marie aussi cette séparation est la dernière. Elle est séparée de Jésus, d'abord de son âme, dans la cinquième douleur, et maintenant de son corps. La dernière séparation de Marie d'avec Jésus est la séparation de ce qu'elle lui avait donné elle-même, sa chair sacrée. Le péché de l'homme et la cruauté toujours bénie de l'amour divin ont séparé violemment la mère et le fils, quoique durant 33 ans leur union n'ait point eu d'égal dans le monde, si ce n'est celle de l'union hypostatique. Jésus était sans Marie et Marie était sans Jésus, l'esprit du mal et l'hérésie n'ont rien pu imaginer de plus affreux et de plus désolant pour priver du précieux sang un malheureux monde qui périt. Ah vénérable Siméon, ton dernier glaive est en vérité enfoncé dans le cœur de la mère. Tu es parti en paix, selon ta prière, tu te réjouis maintenant dans la lumière de Jésus. Cependant la paix dont tu jouis au-delà du tombeau n'est pas plus glorieuse que la paix de Marie, que depuis tant d'années ta prophétie a changé en une inexprimable amertume. De ces particularités de la septième douleur, nous pouvons maintenant passer aux dispositions dans lesquelles notre Sainte Mère la souffrit. Le trait particulier de la sainteté de la Sainte Vierge consistait en une correspondance parfaite à la grâce. Nul doute que toute sainteté ne soit simplement une correspondance à la grâce, mais les hommes ordinaires, et même les saints, font des chutes fréquentes, hésitent, tombent et se relèvent, et, par conséquent, correspondent, imparfaitement à la grâce. La volonté propre détourne la grâce de son canal légitime, et l'imprime son propre caractère à l'opération divine en nous. Le péché aussi laisse ses empreintes et ses vestiges jusque sur notre sainteté. Le caractère et les dispositions aussi se font clairement reconnaître dans l'édifice, quand il est achevé. Ainsi, il y a dans la sainteté des saints quelque chose d'humain, De spécial, quelque chose qui a une forte saveur de leurs inclinations naturelles et de leurs caractères individuels, quelque chose à quoi nous distinguons un saint d'un autre. C'est une attraction pour notre dévotion, un stimulant pour nous exciter, un modèle à copier. Cela résulte de ce que leur sainteté n'est pas simplement une correspondance à la grâce, mais un résultat de lutte, de tentation, de révolution, de catastrophe et même d'accident désastreux. Cette sainteté est une œuvre divine, mais mêlée d'une manière inextricable avec ce qui est humain, et ce caractère de la sainteté est presque une beauté à nos yeux. La sainteté de la Sainte Vierge était d'un caractère tout à fait différent. C'était une transmutation de la grâce en sainteté, une transmutation simple, sans mélange, sans entrave, parfaitement accomplie, accomplie sans délai, aussitôt que la grâce nouvelle arrivait. Ainsi, la sainteté de Marie est une œuvre tout à fait divine, soutenue par une volonté humaine. Le péché n'y a laissé aucune trace, il ne s'y trouve aucun vestige de catastrophe, mais seulement la belle uniformité d'une loi calme et toujours égale, agissant avec un pouvoir irrésistible, avec une majesté ineffablement paisible sur le théâtre le plus glorieux. L'or pur de cette sainteté est sans alliage, et, autant que nos yeux obscurcis peuvent le voir, n'a que peu de caractère individuel, non que Marie fût sans un caractère qui lui fût propre et même, sans aucun doute, un caractère très marqué, mais il se rapproche trop de Dieu pour que nous puissions le voir. Il est caché dans la proximité d'une lumière intolérable, comme une planète qui serait placée tout près du soleil. C'est cette pureté toute divine de la sainteté de Marie qui, quand nous y réfléchissons mûrement, est bien plus merveilleuse que les proportions colossales de cette sainteté, et distingue Marie de tous les saints, en établissant entre elle et eux une différence presque infinie. Une seule grâce de Dieu est une chose merveilleuse. Des théologiens ont dit qu'une seule communion suffit pour faire un saint. Même dans les grâces les plus communes, l'expérience nous rend quelquefois capables de découvrir la capacité la plus multiple, le pouvoir le plus incroyable de souffrir avec patience, l'empire le plus extraordinaire sur l'âme. Il semble qu'une seule grâce ait parfois été pour nous une source de miracles spirituels. D'autres fois elle a eu assez de pouvoir pour faire changer de direction le gouvernail de toute notre vie, et cette grâce renfermait en elle-même tout le ciel et toute l'étendue de l'éternité. Un saint correspond peut-être à la millième partie des grâces qu'il reçoit, et nous beaucoup moins encore. Toute notre petitesse est loin, même avec ses efforts, de correspondre avec la magnificence de Dieu. Mais une grâce à laquelle nous correspondons en amène aussitôt une autre, et celle-ci une nouvelle, et ainsi de suite, et ces grâces forment une série sans fin qui s'accroît en nombre, en multitude, en beauté et en efficacité. Ainsi, la rapidité irrésistible des progrès de la sanctification se montre à nous presque comme un sujet d'effroi. On ne peut penser qu'avec un saint tremblement au degré de sainteté qu'il serait possible d'atteindre. La sainteté des créatures nous éblouit, tandis que celle du Créateur semble toujours s'éloigner de nous de plus en plus, lors même qu'elle nous attire à elle en nous inspirant un sentiment d'adoration craintive. Mais notre correspondance imparfaite à la grâce met obstacle à l'accomplissement de l'œuvre. Nous enchaînons la libéralité de Dieu, nous dissipons, nous corrompons, nous affaiblissons sa grâce, même quand nous en faisons usage, et nous différons comme si nous désirions la laisser s'arrêter, s'évaporer, et perdre sa fraîcheur et son parfum céleste, avant de nous décider à nous en servir. Ainsi, si nous pouvons le dire avec révérence, Dieu, avec sa grâce dans nos âmes, est comme un homme dont les pensées sont belles et éloquentes, mais qui n'a pas le don de la parole, et ne peut les exprimer, si ce n'est par un bégaiement qui en dissimule et en gâte la beauté. Dieu n'a pas sa liberté d'action avec nous. Il ne peut, tout au plus, produire qu'une œuvre très imparfaite, parce que les matériaux dont il se sert le rendent volontairement incapable d'atteindre un meilleur résultat. La grâce ne fut jamais plus glorieusement illimitée que dans l'âme de Marie, excepté dans l'âme humaine de Jésus, laquelle est en dehors de toute comparaison. Dans le cœur de Marie, la grâce s'étendait comme elle eût fait dans le ciel, et se développait dans toute sa magnificence, sans que rien vînt la restreindre. Marie correspondait à chaque grâce d'une manière complète. Ses grâces étaient incommensurables, même comparées à celles des apôtres, et cependant elles correspondaient parfaitement à leur immensité. Ainsi, chaque moment de sa vie faisait descendre de nouvelles inondations de grâce qui devenaient feuillages, fleurs et fruits presque au moment où elle touchait le sol vierge de son cœur immaculé. Les jours s'ajoutaient les uns aux autres, les années succédaient aux années, et, comme une machine fabuleuse, d'une force accablante et d'une invisible rapidité, l'opération de la correspondance à la grâce et de la sanctification se poursuivait, se multipliant en peu de temps au-delà du produit que pourraient former tous les chiffres humains. Sa vie aussi s'avançait au milieu de grands mystères, dont chacun était en lui-même un univers de sanctification. Son âme se mouvait parmi les conceptions immaculées, d'adorables incarnations, des vies cachées de Dieu, les souffrances de l'impassible, les défaites du Tout-Puissant, la naissance, la croissance et la mort de l'immutable et éternel, le gouvernement d'un Dieu, les mystérieux prodiges de la douleur, les descentes du Saint-Esprit, les pouvoirs apostoliques supérieurs, et d'autres choses semblables. Quels océans de grâce une telle vie d'héroïsme surnaturel ne pouvait-elle absorber et convertir en une sainteté qui, modérément parlant, est inimaginable pour les anges ou pour les saints. Il n'est pas étonnant que nous parlions toujours de Marie d'une manière si peu digne. C'est là une de ces tristes infirmités humaines auxquelles nous ne pouvons jamais échapper, car tout langage est si inexprimablement indigne de Marie, que la louange la plus brillante et le lieu commun le plus froid paraissent au même niveau. Si on les voit d'une distance telle que celle des montagnes inaccessibles de sa sainteté. L'amour seul peut trouver à tâtons son chemin vers Marie, et heureux celui dont l'amour pour elle s'accroît sans cesse. Il jouit dans le temps d'une des délices les plus rares de l'éternité. Cette vue de la sainteté de Marie, considérée comme œuvre purement divine, parce qu'elle est réellement un effet de la grâce de Dieu, secondée par une entière correspondance, nous fait en mesurer la vraie hauteur. Nous voyons que ce monde de sainteté n'a pas été grossi par les vapeurs d'une exagération affectueuse, et nous reconnaissons que tout ce qui a été dit de Marie par Saint Bernard, Saint Bernardin et autres, est bien au-dessous du niveau de sa redoutable grandeur. Ce point de vue de la sainteté de Marie nous rend compte également de la difficulté que nous éprouvons à concevoir clairement ses dispositions intérieures. En premier lieu, nous sommes obligés de nous servir des mêmes mots pour exprimer la correspondance à des grâces différentes. Nous parlons de la conformité de Marie à la volonté de Dieu, de sa générosité, de son courage ou de son union, tandis que le changement de circonstances et les raffinements différents de la grâce ont fait signifier au mot des choses différentes dans des temps différents. Notre discernement spirituel n'a pas la pénétration ni la subtilité nécessaires pour distinguer les unes des autres ces grâces exquises, ces nuances de beauté céleste. Nous savons cependant qu'elles sont réelles, qu'une nuance des grâces de Marie produirait un saint différent de celui que produirait une autre nuance de la même grâce, et nous savons aussi qu'elles sont si grandes et si puissantes, qu'à elles seules chaque nuance de chacune des grâces de Marie pourrait remplir de splendeur les âmes d'une multitude de saints ou les esprits d'une hiérarchie d'anges. Mais il existe un éloquent bégaiement pour discourir sur les choses de Dieu, et il faut que nous parlions, même lorsque ce que nous disons est bien au-dessous de ce que nous voulons dire, et que ce que nous voulons dire n'est qu'une ressemblance imparfaite de la réalité, que nous ne voyons que d'une manière indistincte dans les feux brûlants de la majesté de Dieu. En second lieu, si la sainteté de Marie consiste en une correspondance à la grâce, tranquille, égale, et suavement docile, c'est cette correspondance qui doit donner à ces dispositions leur nom et leur caractère. Mais, si les grâces sont bien loin au-delà de la portée de notre vue, si leurs abîmes ne sont pas enregistrés dans notre théologie, et qui pourraient sonder ce qui est incommensurable, alors il faut aussi que la correspondance de Marie à la grâce soit loin au-delà de la portée de notre vue ainsi que ses dispositions plus faciles à concevoir qui forment sa beauté intérieure et sa grandeur. Nous ne pouvons faire plus que de hasarder des conjectures et d'imaginer des ombres qui tiennent lieu de ces réalités invisibles. Mais nous pouvons faire des calculs, tout en nous résignant à faire des erreurs relativement à notre appréciation de l'excellence si grande de la Mère de Dieu et ensuite regarder notre résultat, non comme exact, mais seulement comme une aide pour nous former une idée juste de la vérité. À mesure qu'une douleur a succédé à une autre, la difficulté de parler des dispositions de Marie est devenue plus grande, et cependant nous ne pouvions garder le silence, parce que ces dispositions étaient les grâces de ses douleurs, grâces en fleurs, et que ces fleurs devenaient le fruit d'une sainteté solide. Car Marie n'était pas un simple monument merveilleux auquel Dieu eût suspendu des dignités extérieures, des bannières sans nombre, des emblèmes figurants, et les dépouilles extérieures d'un monde racheté. La gloire éblouissante du dehors. Et, en vérité, elle était éblouissante, n'était rien, comparée à celle qui était à l'intérieur. Marie était une créature universelle, une mère, un être souffrant, et, par une correspondance prodigieuse aux dons de Dieu, elle en avait fait ses propres dons. Ils ne sont en ce moment ni de simples ornements, ni des privilèges, ni des décorations, ni des offices conférés, ni des prérogatives communiquées, ni même des joyaux inaliénables. Ce ne sont pas non plus de simples attributs, ni des perfections qui lui aient été accordées, ni une gloire qui puisse être séparée d'elle, ni des merveilles racontées d'elle, ni des mérites qui lui soient imputés. Dans le ciel, ses dons sont la personne même de Marie, sa personne humaine, sa personne de mère, son individualité douce et aimante, une personne qui est dans la gloire ce que Dieu l'a fait en deux coups, par nature et par grâce. Oh, il est doux de penser que notre Père Céleste a une telle fille, toujours prosternée à ses pieds et l'adorant avec l'humble grandeur de son amour. De toutes les dispositions intérieures des saints, celle qui nous frappe le plus comme la plus magnifique même que l'esprit de martyr, c'est celle de la persévérance dans un sacrifice complet. La persévérance est en elle-même, de toutes les grâces, celle qui paraît le moins tenir de la créature. On dirait même que c'est son immutabilité même que le Créateur a laissé tomber sur la créature, et que ce manteau lui sied bien. Car il y a dans les mouvements quelque chose de plus gracieux, et dans la démarche quelque chose de plus noble que dans la ferveur même avec laquelle l'âme s'était dévouée généreusement, et d'une manière irrévocable, au premier sacrifice. Sa Majesté tient davantage du ciel, quoique le courage et l'effort soutenu supposent que l'homme y met plus du sien. Mais la gloire de la persévérance devient beaucoup plus grande quand il est question d'un sacrifice complet, car alors l'unité et la perfection de l'offrande semblent la rendre digne de la compassion divine. Il est étrange que, tandis que tant d'âmes succombent sous l'effort lorsque le sacrifice est encore incomplet, il y en ait un grand nombre qui le déshonore lorsqu'il est atteint. La nature se décherche le repos lorsqu'elle a atteint au sommet qui était devant elle, et il arrive rarement sur la terre qu'il n'y ait pas quelque chose de bas et d'indigne dans le repos. D'autres portent leurs regards en arrière avec un lâche regret sur ce qu'ils ont déjà fait, car il arrive rarement qu'aucun sacrifice, à rigoureusement parler, soit complet en lui-même. Par le sacrifié, on s'engage à quelque chose de plus, à quelque chose de plus élevé. Tous les efforts de la vie spirituelle, à proprement parler, doivent être soutenus jusqu'à la fin. La difficulté, et partant le prix de la persévérance, consiste à ne jamais se relâcher. C'est à cause de cela que la persévérance est une grâce qui n'a pas de ressemblance avec les créatures, mais dont le type surnaturel est en Dieu. D'autres encore ne regrettent ni les efforts, ni les sacrifices qu'ils ont faits, mais ils portent aussitôt leur regard vers leur récompense. Ils rabaissent la noblesse de ce qu'ils ont fait par le manque de désintéressement. Nous ne nous offensons pas lorsque de petits services attendent leur récompense, mais les grands services nous élèvent à Dieu, et, n'étant pas si évidemment indignes de lui, nous choquent en parlant de récompense. Aussi arrive-t-il, d'une manière ou d'une autre, qu'il y a peu d'âmes qui ne défigurent et n'amoindrissent quelque peu leur sacrifice, et qui n'en éloignent la fraîcheur céleste. Ainsi, lorsque nous voyons quelqu'un persister dans son sacrifice complet avec la même ardeur, le même courage, la même magnanimité, la même patience et la même grâce, presque sans s'apercevoir qu'il fait quelque chose de grand, non qu'il ne comprenne ce qu'il a fait, mais parce que toutes ses pensées sont fixées sur Dieu, et qu'il n'en reste aucune pour occuper sa propre attention, alors nous appelons ce que nous présente un tel tableau, la plus magnifique de toutes les dispositions intérieures, une ombre du repos du Créateur, lorsque le septième jour succéda à la création du monde. Telle était la disposition de Marie dans la septième douleur. Cette disposition était le jour de repos dans son monde d'affliction. Mais quand nous pensons au sacrifice qu'elle avait fait, à la plénitude avec laquelle elle l'avait fait, et puis au courage tranquille de cette âme désolée, solitaire au milieu des créatures qui l'entouraient, nous pouvons concevoir combien il est au-delà de notre pouvoir de nous former une idée vraie de la grandeur intime d'une telle disposition, et combien nous la rabaisserions en essayant de la comparer aux dispositions analogues que l'on rencontre chez les saints, et que la pauvreté du langage nous force d'appeler des mêmes noms. Dieu se reposa sur lui-même dans les profondeurs de son éternité sans bornes, lorsqu'arriva son redoutable sabbat. Une créature peut-elle prendre part à un tel repos? Et cependant, à quelle autre chose comparons-nous Marie dans son repos, lorsque ses douleurs furent terminées? Une autre disposition de l'âme de Marie dans cette septième douleur, était son détachement de toute consolation spirituelle et de la douceur des choses divines. C'est là, dans l'amour, une sublimité à laquelle il faut atteindre sur la terre, sous peine de ne le pouvoir jamais, car il n'y a pas de tel amour dans le ciel. Nous parlons si souvent de l'amour des souffrances, en y excitant les autres et nous-mêmes, que nous oublions presque combien cet amour est une grâce rare et élevée, et combien la poursuite en est téméraire pour les âmes ordinaires. Il y a peu de personnes, assurément, pour qui une telle grâce soit une réalité, et moins encore en qui cette grâce soit à l'aise, ou trouve sa place parmi les autres grâces. Même des saints qui ont aimé toutes les souffrances que la créature pouvait leur infliger, ont frémi à la vue des épreuves crucifiantes que Dieu imposait lui-même immédiatement à l'âme. Plusieurs, qui se sont privés volontairement de la lumière de la terre, ont reculé en tremblant devant les ténèbres du ciel, lorsqu'elles menaçaient de descendre sur eux, et les ont éloignés par l'énergie de leurs prières. Il y a eu des saints qui, pour l'amour de Dieu, ont renoncé à sa douceur et à ses consolations spirituelles, et qui, cependant, n'ont pu supporter d'avoir sa personne sacrée placée sur eux comme un instrument redoutable de peines mystérieuses. Très peu de personnes ont parcouru les sombres solitudes de l'abandonnement divin, et, pour la plupart, après être rentrées dans l'obscurité, elles nous ont fait connaître jusqu'où elles s'étaient avancées dans l'obscurité, par des cris d'angoisse semblables à ceux d'aigles blessés qui leur échappaient dans leur torture. Jésus lui-même poussa un grand cri en succombant sous l'étreinte de cette mort effroyable. Dans sa septième douleur, il fut permis à Marie de tenter cette périlleuse descente et de participer, encore plus qu'elle ne l'avait fait au-dessous de la croix, à l'abandonnement de notre Seigneur. De même que cet abandonnement atteignit Jésus à la fin de sa passion. Comme la douleur qui devait la couronner, juste au moment où il était le moins possible à la nature de l'endurer, ainsi celui de Marie l'atteignit à la fin de sa compassion, comme la douleur qui devait la couronner, lorsque la souffrance avait fait de son être un débris de naufrage au milieu des eaux abondantes de la grâce la plus divine. Ces deux douleurs, celle de Jésus et celle de Marie, se terminèrent par la même affliction divine et mystérieuse, affliction à laquelle notre intelligence ne peut atteindre, quoique nous sachions que du sein de ces maux endurés en silence, s'élève cette lumière admirable de l'adoration la plus parfaite dont les créatures soient capables, et dont des vagues puissantes et irrésistibles portent l'offrande de l'amour humain bien loin au-delà du plus haut point auquel le flot de l'intelligence angélique eût jamais atteint. Il y a aussi deux fruits de la douleur héroïque que nous ne devons pas oublier de remarquer, et qu'assurément nous pouvons compter parmi les dispositions de Marie dans sa septième douleur, savoir l'esprit d'intercession et l'esprit d'action de grâce. Les produits de la grâce sont souvent contraires à ceux de la nature, même lorsqu'ils sont greffés sur ces derniers. Il semblerait que le résultat naturel de l'affliction dût être de nous rendre égoïstes, en nous forçant à nous occuper de nous-mêmes, et en concentrant notre attention sur nos souffrances. Cependant, nous savons que la grâce particulière de l'affliction est le désintéressement. Il semblerait que la multitude même des objets que nous avons à supporter agrandit nos cœurs, et y fit naître une tranquillité, exempte de hâte, qui nous rendit capables de penser aux autres, et de tout régler avec la réflexion la plus minutieuse et la plus prévoyante pour leur bien-être. L'esprit d'intercession est une partie du désintéressement produit par la douleur sanctifiée. Notre bonté envers les autres prend surtout une forme religieuse et surnaturelle parce que nos afflictions supportées, en présence de Dieu, donnent à tout notre être plus de douceur, et nous placent dans des relations plus étendues et plus célestes avec Dieu. L'esprit d'intercession appartient à des cœurs qui sont victimes, victimes volontaires ou involontaires de l'amoureuse justice de Dieu. Tout chrétien qui est dans l'affliction est, sous ce rapport, une copie vivante du Christ crucifié, et l'esprit d'expiation est dans sa grâce un élément inévitable. En outre, ordinairement les agents humains exercent dans nos peines une action plus ou moins grande, et ils ne le font pas, la plupart du temps, innocemment ou sans intention, et alors nos pensées étant occupées de nous-mêmes, sont nécessairement occupées d'eux. Ainsi Jésus priait sur la croix pour ses meurtriers. Ainsi les martyrs priaient pour leurs bourreaux. Ainsi encore le mal qu'on a fait à un saint était ordinairement la grande route qui conduisait à ses plus grandes prières. Qui pourrait donc douter que surtout, dans ces circonstances critiques du monde, et du saint des abîmes même de la grâce de la rédemption, l'âme de Marie ne se répandit sur les autres avec d'autant plus d'abondance et de paix, qu'elle était la plus accablée par les eaux de l'amertume, et comme ses prières étaient ses trésors, trésors qui pouvaient enrichir le monde au-delà de toute croyance, l'immensité et l'exubérance de son amour devaient trouver dans l'intercession leur grande écluse, d'autant plus que cet exercice était en même temps la réparation la plus efficace envers Jésus pour les persécutions qu'il avait endurées. Mais tandis que l'affliction sanctifie et attendrit le cœur et en fait naître la bonté envers les autres, cette affliction, en le liquéfiant d'une manière encore plus absolue, pour employer l'expression favorite des écrivains mystiques, le change en une source de tendresse pour Dieu, et, dans le même esprit de contradiction à la nature, ce sentiment prend la forme d'action de grâce. D'après les principes naturels, les temps d'affliction sont ceux pour lesquels nous devons le moins de reconnaissance à Dieu, mais pour une foi éclairée et douée de discernement, ce sont les temps dans lesquels les bénédictions abondent miraculeusement tant en nombre qu'en grandeur. Et cependant, ici même, il y a quelque chose qui est parfaitement naturel. Lorsqu'un ami nous a blessés de quelque manière que ce soit, son changement de conduite fait renaître dans notre cœur le souvenir de son amour, et, vu à travers le nuage présent, le passé nous paraît plus grand et plus brillant. Ainsi dans nos relations avec Dieu, l'affliction nous fait sentir plus profondément notre indignité. De sorte que la contemplation des miséricordes passées nous remplit d'un noble étonnement dont la seule voix est la louange accompagnée des larmes de la joie et de la reconnaissance. C'est cet élan à glorifier Dieu du milieu des flammes qui fait une des magnificences des âmes éprouvées. Comme nous écrasons les feuilles aromatiques du cyprès et le laurier pour en extraire leur parfum. De même Dieu presse nos cœurs jusqu'à ce qu'ils saignent pour qu'ils l'adorent avec le parfum de leur reconnaissance et qu'ils l'attirent plus près d'eux, par les délices nouvelles, et l'amour nouveau qu'ils inspirent à sa compassion et à sa tendresse. Qui pourrait douter qu'à mesure que Marie descendait de plus en plus profondément dans ces gouffres effrayants de ses douleurs, son magnificat ne se fit entendre plus clairement à l'oreille ravie de Dieu, ni pénétra plus profondément et plus rapidement comme la voix d'une adoration de plus en plus grande? Enfin la grandeur de la foi de Marie à l'heure ténébreuse de sa septième douleur, était en elle-même l'adoration la plus incomparable de la Sainte Trinité. Une autre des ressemblances nombreuses entre la septième et la troisième douleur consiste dans l'immensité et le calme de la foi au milieu des ténèbres inexprimables d'une foi sans la lumière de la foi, sans le sens de la foi, sans les délices de la foi, sans la récompense qu'elle trouve toujours en elle-même, ni la conviction de sa propre présence qui l'accompagne toujours. Ici encore trouvons-nous le même esprit de contradiction envers la nature non régénérée. Nous croyons Dieu avec d'autant plus de promptitude, de fermeté et d'amour, qu'il daigne se rendre plus incroyable à nous. Il ne nous semble jamais meilleur que quand nous avons nous-mêmes le moins de motifs pour le regarder comme bon, jamais plus juste que lorsqu'il semble positivement injuste. La foi est un don qui croit à volonté, et qui devient d'autant plus inépuisable que ses eaux ont le plus de liberté. Elle est par elle-même une adoration de la vérité de Dieu, et peut-être est-ce là pourquoi elle est, d'une manière en apparence inexplicable, si agréable à Dieu. De là résulte que plus nous voyons clairement cette vérité éternelle au milieu des ténèbres épaisses, plus nous y adhérons fermement, malgré l'évidence qui y semble contraire, et moins les difficultés ont d'effet sur nous, ou plutôt, moins nous les craignons comme difficultés, plus notre foi renferme d'adoration. Quand il me tuerait, je ne laisserai pas d'espérer en lui, telles étaient les grandes paroles de Job. Il suit de là aussi que le calme accroît la foi. Le calme est un témoignage de la réalité de la foi et une preuve de son empire. La foi calme est l'adoration la plus douce, parce qu'elle semble dire que tout est en paix lorsqu'il s'agit de Dieu. Il n'y a pas besoin d'agitation, de trouble ni d'aucune sorte d'inquiétude. Dieu est son propre garant. Il faut que toute chose soit juste, qu'elles soient les meilleures et les plus belles, parce qu'elles viennent de lui. Sa parole est plus chère que la science, plus aisée à lire que l'épreuve, et repose plus profondément dans nos cœurs qu'une conviction. Cependant, jamais la foi ne fut mieux mise en pratique, sous de telles circonstances, qu'elle ne le fut par Marie dans cette douleur. Jamais foi ne fut plus grande, et jamais foi ne fut plus tranquille. La foi entière de la petite église éparpillée était en Marie, et il n'y a pas aujourd'hui, dans l'église militante du monde entier, plus de foi qu'il n'y en avait cette nuit-là dans son seul cœur. Tout cela ne nous donne qu'une bien faible idée de la beauté intérieure de la Sainte Vierge, dans sa patience à endurer la septième douleur. Alors, en elle des grâces inconnues étaient accompagnées de dispositions inconnues. Les hauteurs auxquelles elle avait atteint sont inaccessibles à notre théologie mystique. Dieu seul pourrait dire combien Marie était belle à l'intérieur et dans quelle nouvelle union avec lui cette dernière douleur lui avait permis d'entrer. C'est assez pour nous de savoir qu'après le corps de Jésus, le cœur immaculé de Marie était la chose la plus merveilleuse cette nuit-là sur la terre. La septième douleur contient aussi pour nous-mêmes de nombreuses leçons, qui sont tout à fait à la portée de ceux qui s'efforcent de servir Dieu d'une manière ordinaire tandis qu'en même temps, comme toutes les autres douleurs de notre Sainte Mère, elle nous engage à servir Dieu avec un amour plus élevé, plus détaché et plus désintéressé que nous ne l'avons jamais fait auparavant. La promptitude avec laquelle elle quitta la tombe pour se livrer à ses occupations et pour accomplir, dans sa complète désolation, la volonté de Dieu, nous enseigne que nous devons placer nos devoirs avant toute autre considération, et, en comparaison de ces devoirs, compter pour rien les consolations spirituelles. Or comme si la Providence eût ainsi disposé les choses à dessein. Le devoir semble souvent éloigner de nous la joie vive que nous trouvons en Jésus. Même dans la vie commune et domestique, le désintéressement de la charité journalière nous conduit à sacrifier ce qui nous paraît être un avantage religieux et ce qu'il nous est difficile de ne pas regarder comme un progrès spirituel. De sacrifier cela, disons-nous, à une aménité que les autres n'apprécieront peut-être pas beaucoup, et qu'ils attribueront à l'éducation, à la bonté naturelle, mais nullement à une obéissance surnaturelle, à l'impulsion de la grâce. Dans tous les temps, il nous est difficile de nous persuader qu'il n'y ait pas d'avantage spirituel comparable au renoncement de notre propre volonté, et que de petites mortifications qui concernent notre manière particulière d'agir, l'emploi de notre temps et même nos habitudes de dévotion, soient, aussi longtemps qu'elles nous sont pénibles, au nombre des moyens de sanctification les plus élevés. Il est nécessaire d'ajouter, aussi longtemps qu'elles nous sont pénibles, car contrairement aux autres mortifications, lorsqu'elles cessent d'être pénibles, elles cessent d'être des mortifications, et deviennent des symptômes de l'empire que le monde a acquis sur nous, et alors, malheureusement, il ne nous reste plus d'autres ressources que cette rudesse en apparence égoïste, nécessaire à ceux qui ont réellement à craindre pour leurs âmes. Si la civilité ordinaire de la société peut souvent réclamer notre temps et notre attention, avec le sacrifice apparent des délices spirituels et de la communion avec notre Seigneur, combien plus impérieux ne seront pas pour nous les droits de la charité? Malheureusement, la spiritualité a une tendance à l'égoïsme. Notre nature est si mauvaise que les bonnes choses acquièrent des dispositions perverses par suite de leur union avec nous, et ce sont les meilleures choses qui tendent à ce qu'il y a de pire. Ainsi, lorsque la discrétion ne nous guide pas, l'amour même pour notre Seigneur peut se mettre à la traverse de la charité due au prochain, et, ainsi, devenir à la fin un faux amour pour Jésus. Faux, parce qu'il est purement sentimental, car il n'y a pas d'amour divin qui ne soit en même temps de l'abnégation. Faire céder nos inclinations à celles des autres, avoir nos heures de prière à des moments qui nous déplaisent, accommoder nos habitudes de piété aux habitudes des autres, est certainement une manière d'agir délicate et périlleuse, qui demande une grande discrétion, un tact sûr, et une crainte habituelle de l'esprit du monde. Néanmoins, c'est souvent là un moyen très utile de sanctification, surtout pour ceux auxquels leur devoir, leur santé ou leur position ne permettent pas de mener une vie mortifiée et pénitente. L'emploi du temps, soit que nous considérions les ennuis de la ponctualité, et la captivité surnaturelle des heures régulières, ou que nous regardions les interruptions fâcheuses et l'abus que font de nos moments l'étourderie et l'importunité d'autrui. L'emploi du temps, disons-nous, est une source abondante de mortification salutaire pour ceux qui essaient d'aimer Dieu purement, au milieu des inévitables folies et des distractions du monde. C'est là la mortification spéciale des prêtres. Mais si les coutumes de la société et de la charité sont des maux légitimes pour nous priver de la jouissance sensible de Jésus, comment nier que le devoir ait le droit de nous demander le même renoncement? Cependant, c'est un point sur lequel des personnes pieuses et surtout les commençants échouent presque invariablement. Il y a peu de maisons ou de voisinages dans lesquelles la vie spirituelle soit l'objet d'injustes préventions, où le mal n'ait été causé par l'indiscrétion d'une piété mal réglée à cet égard. Sans doute, nous regardons de telles maisons et de tels voisinages avec une froideur entièrement dépourvue de sympathie, mais il n'en est pas moins triste que le mal s'y trouve, parce qu'après tout c'est notre Seigneur qui en souffre. Les commençants ont de la peine à se persuader que Jésus puisse se trouver quelque part plus réellement que dans la joie de nos relations avec lui. Les âmes plus avancées savent bien que ne pas sentir la présence de Jésus est, dans une foule de cas, une grâce plus grande que celle de la sentir. Cependant, même chez ces âmes, la pratique n'est guère à la hauteur de la science, parce que la nature se révolte jusqu'à la fin contre tout ce qui limite les prérogatives de la partie sensible. Si Marie ne chercha aucune consolation dans la maison de Jean, mais s'y abandonna à sa désolation jusqu'au matin du jour de Pâques, ne semble-t-il pas qu'il y ait là une sorte de justification pour ceux qui se plaisent dans leur chagrin et qui en repaissent leurs pensées? Mais il nous faut distinguer. Dans les choses divines, la tristesse diffère tellement de celle qui résulte des pertes et des privations terrestres, que nous n'avons pas le droit de l'éloigner de nous, ou de chercher de la consolation, tant que les impulsions de la grâce ne nous y engagent pas. La souffrance d'une affliction divine est une chose si différente de celle d'une affliction ordinaire, qu'il n'y a aucun danger qu'elle produise la sentimentalité, la faiblesse ou l'égoïsme. Endurer l'affliction divine n'est pas si abandonner, mais c'est la continuation d'un crucifiement. Au lieu qu'endurer une affliction ordinaire cesse bientôt d'être une affliction, et qu'en nous y abandonnant avec complaisance, nous la changeons en une pause noble et exagérée où l'âme se dissipe et s'admire dans la langueur de ses rêveries mélancoliques. Ainsi, la douleur du péché, la tristesse à cause des péchés d'autrui, le chagrin à cause des vicissitudes de l'Église, l'affliction à cause de la passion de notre Seigneur ou une affliction sympathique pour les douleurs de la Sainte Vierge, sont moins des incidents de la tristesse humaine qui nous atteint, que des opérations directes de la grâce, et, en conséquence, tendent à des buts différents et agissent suivant d'autres lois. Nous devons alimenter de tels chagrins, en raviver les souvenirs, et nous devrions peut-être en retenir les ombres avec quelque violence, lorsqu'elles semblent prêtes à s'éloigner. Dans ces afflictions ordinaires, cela est illégitime. Cependant, même à l'égard des afflictions divines, rappelons-nous que toute grâce soustraite au contrôle de la direction est un phénomène entièrement inconnu à la théologie la plus élevée des saints. Puisqu'il y a tant de points de ressemblance entre la septième douleur et la troisième, il n'est pas surprenant qu'à certains égards elle nous donne les mêmes leçons. Cette dernière douleur nous apprend qu'il n'y a pas de ténèbres semblables à celles d'un monde sans Jésus, tel que l'était le monde de Marie dans cette nuit terrible. Ce sont des ténèbres plus épaisses que celles du calvaire, car celles-ci raniment, vivifient et inspirent Jésus et il est le cœur même de ces ténèbres. On l'y sent d'une manière plus évidente que si on le voyait, on l'entend plus distinctement, parce que tout est si sombre autour de lui, que toute autre voix se tait. Il semble qu'on soit dans le nuage avec Dieu, comme y sont souvent les âmes éprouvées. Ce sont véritablement des ténèbres qui amènent avec elles la peine des ténèbres. Cependant à peine y a-t-il sur la terre une âme aimante à laquelle elle ne fût plus agréable que la lumière. À la vérité, les ténèbres qui résultent de l'absence de Jésus sont comme une participation à la peine plus cruelle de l'enfer. Si nous nous y trouvons par notre faute, elles deviennent pour nous une peine incomparable. Si elles sont une épreuve envoyée par Dieu, c'est la plus grande des souffrances, mais dans l'un et autre cas, nous ne devons pas souffrir que ce soit la lumière du monde qui nous fasse sortir de ces ténèbres. Sans doute, il est terrible de demeurer dans une telle obscurité, mais en la quittant volontairement nous nous exposerions à des conséquences encore plus terribles. Dans ce sanctuaire de Dieu seul, il n'y a pas de sécurité à penser aux créatures. Nous n'y devons penser qu'à Dieu seul, la devise des saints et de ceux qui vivent saintement. Nous n'y devons avoir de rapport qu'avec ce qui est surnaturel, et laisser à celui qui nous y a conduits pour nous châtier ou pour exciter notre ferveur, le soin de nous en tirer quand ce sera sa volonté de le faire. Pendant ce temps-là, nous devons nous unir aux dispositions dans lesquelles Marie endura sa septième douleur, ce qui nous mettra dans une union plus étroite avec Dieu. Il est une autre leçon qu'elle nous enseigne encore. Elle se livrait dans le monde à ses occupations, en apparence avec tout son cœur, et cependant son cœur n'était pas présent, mais il était dans le tombeau avec Jésus. C'est là la grande œuvre que l'affliction accomplit pour nous tous. L'affliction nous enferme dans la volonté de Dieu, comme dans une tombe. Elle ensevelit notre amour avec nos souffrances, dans le Saint-Sacrement. L'affliction est, pour ainsi dire, le missionnaire de la volonté divine, elle est le prince des apôtres. L'Église est bâtie sur elle. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Notre Seigneur sera avec elle jusqu'à la fin. C'est l'affliction qui creuse la tombe du soi, la bénit, y brûle de l'encens, y enterre le soi, la remplit et fait croître les fleurs dessus. Le grand secret de la sainteté consiste à n'avoir jamais notre cœur dans notre poitrine, mais de l'avoir toujours vivant et battant dans le cœur de Jésus, et cela peut rarement s'accomplir autrement que par l'opération d'une affliction sanctifiée. Heureux donc celui qui a en tout temps une affliction à sanctifier. Nous avons maintenant amené notre Sainte Mère au seuil des 15 années mystérieuses qui suivirent ses douleurs et l'ascension de notre Seigneur. Elle avait commencé la vie en passant 15 années sans lui, elle l'acheva par 15 autres années sans lui. Toutefois, comme dans les 15 premières années elle avait eu l'image du Messie gravée sur son cœur, et l'ombre de sa venue pour féconder ses progrès. De même dans les 15 dernières années Jésus demeura corporellement en Marie sous les espèces non consommées de l'Eucharistie, d'une communion à une autre, et fut la source vive de progrès inimaginables et sans nom qui durant tout ce temps poursuivirent leur œuvre dans son âme. La destinée de la Mère de Dieu était une destinée d'affliction inexprimable et épuisant à la fois la possibilité de la souffrance et les capacités de la création. C'est là, ce à quoi on pouvait s'attendre. Puisque ce fut par l'affliction, l'ignominie et la passion que le Dieu incarné vint pour sauver le monde. C'est pourquoi les douleurs de la Sainte Vierge sont inséparables de sa maternité divine. Elles ne sont pas des accidents de sa vie, une des nombreuses manières que Dieu aurait pu choisir pour la sanctifier. Elles étaient inévitables pour Marie comme mère de Dieu qui prit chair pour souffrir et mourir. Ainsi bien considéré, les douleurs de Marie sont sa personne même. Les 15 premières années, commençant à l'Immaculée Conception, étaient une préparation à ses douleurs. Ces 15 dernières années, commençant à la descente du Saint-Esprit, étaient la maturité de ses douleurs. Pendant cette dernière période, la mère de ses afflictions se calma et devint un abîme clair, profond et limpide, d'amour sans mélange, dont le dernier acte celui qui consiste à prendre tranquillement pleine possession de sa glorieuse victime, eut lieu en retirant l'âme de Marie de son corps, par la mort la plus belle et la plus merveilleuse dont une créature pût jamais mourir. Un édifice d'affliction tel que celui dont la maternité divine devait être accompagnée, ne pouvait reposer sur des fondements moins larges et moins profonds que les grâces incommensurables des 15 premières années de la vie de Marie. Quelle doit donc avoir été la grandeur des grâces qui descendirent sur cet édifice lorsqu'il fut achevé avec ses dômes, ses tours et ses pinacles? Nous nous sommes souvent demandé ce qui pouvait être fait en Marie, sous le rapport de la sanctification, à la descente du Saint-Esprit. Que restait-il à faire? Dans quelle direction Marie devait-elle croître? Le simple fait du délai fixé pour l'Assomption avait un sens. Et que pouvait-il signifier si ce n'est un accroissement de sainteté et une multiplication de grâce? Si Marie était retenue sur la terre pour prendre soin de l'enfance de l'Église, comme elle avait pris soin de l'enfance du Sauveur, pour être elle-même une Bethléem vivante avec le Saint-Sacrement à jamais en elle, et avec son titre de reine des apôtres comme un office extérieur de Bethléem pour l'enfance de l'Église, en même temps une augmentation inouïe et incalculable de grâce et de mérite était impliquée dans cet office même aussi bien que dans le fait que c'était la Mère de Dieu qui le remplissait. C'étaient les douleurs de Marie qui ouvraient, dans son âme, de nouveaux abîmes pour que la grâce s'empressât de les combler. Ce furent ces douleurs qui la rendirent capable de recevoir ce nouveau monde de grâce dans la descente du Saint-Esprit. Les grâces du Saint-Esprit sont absolument inépuisables, les capacités de Marie pour la grâce sont, en pratique, inépuisables aux yeux de notre intelligence limitée. La grâce qui la prépara à sa maternité divine la prépara aussi au martyre extraordinaire de toute sa vie. Son martyre la prépara à ces ineffables augmentations de grâce et de mérite que renfermèrent ces 15 dernières années. Ainsi, les douleurs de Marie sont, pour ainsi dire, le centre de sa sainteté. Plus qu'aucun autre des mystères de Marie, ces douleurs nous la font connaître telle qu'elle était en elle-même. À peine devrait-on même les appeler des mystères, ils sont plus que cela, ils sont sa vie, sa personne, sa maternité. Ils nous rendent capables de comprendre sa sainteté. Ils nous aident à voir que ce que des théologiens disent de l'accumulation instantanée de ses mérites n'est pas si incroyable qu'il le paraît souvent à ceux qui n'ont pas suffisamment aimé ni examiné la voie qui conduit à ses grandeurs. Rien de tel que le système de ses douleurs pour présenter dans leur unité la part de Marie dans l'incarnation, sa sainteté particulière et personnelle, et sa similitude avec Dieu. C'est à la fois la révélation la plus claire, la plus complète, la plus tendre et la plus touchante, de la Mère de Dieu. Comme ses 15 premières années avaient été secrètes, ainsi le furent ses 15 dernières, mais au-dessus des opérations merveilleuses de la grâce, qui remplissent ces deux périodes, demeure l'ombre de ses douleurs, l'ombre d'un temps à venir, dans le premier cas, est l'ombre d'un passé immense et sublime, dans le second. Il faut que celui qui veut apprendre Marie entre, pour le faire, dans son cœur brisé. Mère de douleur, d'un côté ses rayons éclairent l'Immaculée Conception, de l'autre, la pompe magnifique de l'Assomption. Contemplons encore une fois cette mère si grande lorsqu'elle quitte le jardin de la sépulture. En sortant de l'Éden, Ève était-elle plus accablée de douleur? Portait-elle dans nos déserts un cœur plus brisé, plus désolé? Cette femme épuisée par la souffrance et la force de l'Église, la reine des apôtres, la vraie mère de tout ce vaste monde sur lequel le manteau bleu des ténèbres tombe rapidement et en silence. Continue à dormir, monte fatiguée, continue à dormir sous la lune pascale et sous les étoiles qui brillent lorsqu'elle disparaît à l'horizon, le cœur de ta mère veille pour toi. Markemdanarchive.org d'après la numérisation de la Bibliothèque Sainte-Geneviève, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.